Mais écoute-moi donc. Si tu tenais cet argent à quelque bête d'invention philanthropique, tu passerais pour être un homme d'avenir, dit-elle en s'animant, et je serais la première à te le conseiller, car tu as trop d'innocence pour écrire de gros livres politiques qui vous font une réputation. Tu n'as pas assez de style pour tartiner des brochures. Tu pourrais te poser comme tous ceux qui sont dans ton cas et qui dorent de gloire leur nom en se mettant à la tête d'une chose sociale, morale, nationale ou générale. On t'a volé la bienfaisance. Elle est maintenant trop mal portée. Les petits repris de justice, à qui l'on fait un sort meilleur que celui des pauvres diables honnêtes, c'est usé. Je voudrais voir inventer, pour 200 000 francs, une chose plus difficile, une chose vraiment utile. On parlerait de toi, comme d'un petit manteau bleu, d'un montillon, et je serais fière de toi. Mais jeter 200 000 francs dans un bénitier, les prêter à une dévote abandonnée de son mari pour une raison quelconque, va, il y a toujours une raison. Me quitte-t-on, moi? C'est une stupidité qui, dans notre époque, ne peut germer que dans le crâne d'un ancien parfumeur, cela sent son comptoir. Tu n'oserais plus, 2 jours après, te regarder dans ton miroir. Va déposer ton prix à la caisse d'amortissement. Cours, car je ne te reçois plus sans le récépissé de la somme. Va, et vite, et tôt !» Et elle poussa Crevel par les épaules hors de sa chambre, en voyant sur sa figure l'avarice refleurie. Quand la porte de l'appartement se ferma, elle dit « Voilà Lisbeth outre-vengée. Quel dommage qu'elle soit chez son vieux maréchal. Aurions-nous ri? Ah, la vieille veut m'ôter le pain de la bouche. Je vais te la secouer, moi !»